Il n'y a pas de toutes ces conneries qu'on peut raconter parce que bon, c'est bien pour rigoler. Ça me fait bien plaisir qu'on passe des moments comme ça. Les yeux vides, le teint pâle, comme une chape de plomb sur le cœur. Seulement quelques pétales au bois de ta dernière demeure. Funeste défilé d'amour, d'amis et de frères d'âme, dont le vent de janvier semblait vouloir sécher les larmes. Diffuser sur la page des décès.